Chapitre 25e. On était au commencement de février. La nature renaissait au premier souffle du printemps. Des arbres à la verdure luxuriante se reflétaient sous la mer ensoleillée. Sans quelques bouffées d'air frais, on aurait pu s'imaginer que l'hiver était un vain mot, sous ce ciel d'un bleu profond et chaud. Sœur Évrard et sa fille suivaient le littoral de la Méditerranée, comme on suit les allées d'un beau parc, s'arrêtant tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, sans se fixer nulle part. Souvent, Dulcy entendait son père exprimer le regret d'être privé de sa bibliothèque et de sa vie sédentaire de Fairview. Toutefois, il faut ajouter qu'elle le voyait si souvent soucieux et morose, même chez lui, qu'elle écoutait ses lamentations paternelles avec une douce philosophie. Puis, que n'eût-elle pas supporté pour rendre la santé à ce père adoré, ou tout au moins pour prolonger ses jours? Ne lui avait-elle pas déjà sacrifié ce qu'elle avait de plus cher au monde, la présence de Morton? Depuis qu'elle avait quitté l'Angleterre, elle s'était plus que jamais fait un devoir d'une patiente résignation, avait dit Sir Évrard à Dulcy, sans paraître pressé de partir. Il demanda un piano à Marseille, fit ouvrir une caisse de livres qui le suivait partout. Le silence, le calme et le labeur intellectuel étaient pour lui des éléments de vie aussi essentiels que l'air ambiant. « Vous devriez acheter cette villa, mon père, » dit un jour Dulcy. « Nous y viendrions tous les ans pour fuir les intempéries de nos hivers incléments. » « Le monde est grand, cher enfant, » avait répondu Sir Évrard à sa fille. « Pourquoi jeter l'ancre ici, qui nous empêchera l'année prochaine d'aller dresser notre tente en Égypte pendant les mois d'hiver ?»« En ce temps-là, Morton sera mon mari. Et au lieu d'une fille, vous aurez deux enfants pour vous aimer et vous soigner. »« Je ne me paye pas de pareilles illusions. Vous ne serez pas plutôt marié que je ne serai plus rien pour vous. C'est une histoire vieille comme le monde et qui se répète sans cesse. » Desdémone n'a-t-elle pas abandonné son père pour suivre le mort? Ce fut la faute du père plutôt que celle de la fille. Quelques jours après cette conversation, Dulcy et son père étaient assis l'un près de l'autre sous la véranda, regardant la cime des vagues que les lueurs d'un clair de lune magique faisaient scintiller comme les facettes d'un brillant. Les fenêtres éclairées du village produisaient aussi à l'horizon un effet d'étincelle qui semblait vouloir rivaliser avec les beautés sidérales. Le facteur avait apporté la villa plusieurs lettres dans la matinée, mais toutes pour Sir Évrard. Après les avoir lues, il s'était montré plus anxieux que d'habitude. Dulcy, craignant qu'il ne s'agît de quelque mauvaise nouvelle, n'eut garde de provoquer par des questions intempestives les confidences que son père ne trouvait sans doute pas à propos de lui faire. Tous deux gardèrent un long silence. Enfin, Sir Évrard, prenant doucement la main de sa fille, lui dit « Êtes-vous heureuse avec moi, mon enfant ?»« Très heureuse, cher père. » Cette vie si monotone ne vous ennuie-t-elle pas? Nullement, je vous l'affirme. » Après une nouvelle pause, il reprit. « Je crains de vous paraître égoïste, autoritaire. J'ai peur que votre piété filiale se refroidisse. Et pourtant, je vous atteste. » « Jamais fille ne se crut plus tendrement aimée, » dit Dulcy en interrompant son père. « Pauvre cher enfant. Dire qu'en retour de tant d'affection, de confiance, je vous demandais une nouvelle preuve de dévouement, plus grande que toutes celles que vous m'avez données jusqu'ici. N'hésitez pas, je vous en prie, mon père, si la grandeur du sacrifice peut vous donner la mesure de ma tendresse. Je désire que vous rendiez à Morton sa parole. Oh ! » dit-elle en poussant un cri, puis elle ajouta, « J'avais un pressentiment du malheur qui me menaçait. Mon Dieu, pourquoi me demander un pareil sacrifice ? » ?»« Pour des raisons que je dois vous taire. Dès le premier jour, ce sont ces mêmes raisons qui m'avait fait vous dire que je ne saurais approuver votre union avec Morton. Plus tard, si j'ai cédé, ce n'est pas sans me reprocher cet acte de faiblesse, mais aujourd'hui, je suis plus que jamais convaincu qu'il vous faut à tout prix rompre cet engagement. Je vous supplie de m'apprendre le motif qui vous fait agir ainsi. Parlez, je vous en conjure. C'est toujours la même raison à laquelle j'obéis. Alors pourquoi vous êtes-vous laissé fléchir? Il m'en eût certes moins coûté de vous obéir avant d'avoir connu et aimé Morton comme je le fais, alors qu'il est. Rien ne pourra jamais arracher de mon cœur son souvenir bien-aimé. Mon chagrin durera autant que ma vie. Quelle folie, mon enfant! Les cœurs ne se brisent pas, Dieu merci, comme le cristal. Dans un an, croyez-moi, vous serez la première à vous étonner que ce sacrifice ait pu tant vous coûter. Ah! Comment pouvez-vous traiter si légèrement les chagrins du cœur, vous qui n'avez jamais oublié ma mère? Sir Évrard tressaillit comme si on eût retourné le fer brûlant dans une blessure mal cicatrisée. Toutes les fibres de son corps semblaient éprouver le contre-coup d'une douleur aiguë. C'est tout différent, riposta-t-il vivement. Nous avions joui d'une année de bonheur conjugal parfait. Mais le premier amour d'une jeune fille est comme le premier jouet d'un enfant, qui n'a rien de plus cher au monde jusqu'à ce qu'on lui en ait donné un autre. Mon père, s'écrie Dulcie en sanglotant. Je dois, j'en conviens, vous paraître cruel, mais j'ai la certitude que Morton ne saurait vous rendre heureuse. Comment, lui dont la nature est si noble, si sincère, si généreuse? Je le connais mieux encore que vous ne le connaissez vous-même. Du reste, je n'ajoute pas un mot. Vous savez que mon bonheur dépend du sacrifice que je vous demande. Vous savez aussi qu'à ce prix, je n'ai rien à vous refuser. Seulement la surprise a été pour moi aussi écrasante que le serait un coup de masse sur la tête. Prenez une semaine pour réfléchir, dit Sir Everard avec calme. Réfléchir est à peu près le synonyme d'hésiter. Mon cher père, et mon devoir est de vous obéir. Ma pauvre enfant, que je dois vous sembler dur. Pourtant, croyez bien que l'immense chagrin que je vous impose vous sauvera dans l'avenir d'un chagrin plus cruel encore. Pardonnez-moi ces tergiversations, mes faiblesses. J'implore toute votre indulgence, toute votre charité, toute votre patience. Mon père, je verrai toujours en vous le meilleur des hommes, disait Dulcie en pleurant, cachant son visage inondé de larmes sur la poitrine de son père. Comment pouvais-je espérer être à la fois votre fille et la femme de Morton? C'était plus de bonheur qu'une seule personne n'est en droit d'en espérer ici-bas. Après quelques moments de silence, elle releva la tête et lui dit avec une simplicité presque enfantine. Si je lui rends sa parole, croyez-vous qu'il épouse Lady Frances? Peut-être. S'il en est ainsi, mon père, la vie me sera encore plus lourde à supporter. Puis, pas un mot ne fut échangé entre eux. Dulcie s'imagina que son père soupçonnait Morton d'aimer une autre femme. On se rappelle où et comment les flèches de la jalousie avaient atteint le cœur de la pauvre enfant. C'était en voyant Morton et Lady Frances valser ensemble à Tangley, à l'époque de la Noël. Je ne sais quoi d'insaisissable dans le regard de la belle châtelaine de Batchmardine avait persuadé, à tort ou à raison, à la pauvre Dulcie que Frances éprouvait pour Morton un sentiment plus vif que celui de l'amitié. Revenant sur ses anciens souvenirs et même les exagérant, à la lumière grossissante de nouvelles craintes, Dulcie s'imagina que son père en savait plus qu'il n'avait voulu en dire. Elle se rappela l'air troublé de Morton, sa mélancolie, son mutisme et même parfois sa froideur passagère. Elle n'y voyait alors qu'une conséquence des préoccupations du procès qui se plaidait à Highlier. Maintenant, il n'en était plus de même. Elle avait beau se répéter que rien en elle ne pouvait rivaliser avec les charmes séduisants de la belle Frances. L'inconstance de son fiancé, fondée ou non, mettait son cœur à une véritable torture. Elle n'en voulut pas moins faire contre mauvaise fortune bon cœur. Elle joua du piano, elle fit la lecture à son père avec la bonne grâce habituelle qu'elle mettait à faire tout ce que désirait Sir Everard. Toutefois, le visage pâle d'Elsie avait une expression si douloureuse que son père ne fut pas sans en ressentir un vrai chagrin. Quelques jours après, Dulcie entra un matin sous la véranda au moment où Sir Everard faisait sa correspondance. Elle se rapprocha de lui en disant qu'elle était incapable d'écrire à Morton pour lui rendre sa parole. « C'est, dit-elle, me demander l'impossible. Tout ce que je pourrais faire, ajouta-t-elle, serait d'écrire sous votre dictée. » Sir Everard saisit la balle au bond avec empressement, et quelques heures plus tard, une lettre de Dulcie pour son fiancé partait par le courrier du soir.